بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للونج تاع الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses bienfaits et combien ils sont nombreux les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant. وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتِمَ بِهِ الْعَبْدُ هَذَا الشَّهْرِ المبارك ختم الله لنا ولكم بخير أن يكتل من التكبير لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et parmi les choses qui sont préférables et qui font partie de la sunna, de ne plus prier l'histoire d'Allah, c'est de terminer ce mois de Ramadan, de conclure ce mois de Ramadan, avec le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Comme il est dit dans le verset, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, pour que vous complétiez le nombre et que pour que vous glorifiez Allah et vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il vous a guidé, ainsi vous allez être reconnaissant. فَيُسَنُّ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْعِيدِ أي بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فَيُسَنُّ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَالْجَهْرُ بِهِ في المساجد والبيوت والأسواق تعظيما لله تعالى وشكرا له على تمام النعمة من غير أن يكون تكبيرا جماعيا فكل يكبر وحده ويبدأ التكبير كما قلت من غروب شمس آخر يوم من الصيام ويكبر إذا خرج إلى المصلى لصلاة العيد وينتهي إذا بدأ الإمام في الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فيما أخرج ابن أبي شيبة رحمة الله على أئمة المسلمين أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر. ومن صفات التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Et donc, il est de la sunna de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la nuit, le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Et on doit le faire à haute voix, dans les mosquées, dans les maisons, dans les marchés, pour vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et proclamer la reconnaissance et le remerciement à notre souverain subhanahu wa ta'ala, car il nous a comblé de ce grand bienfait qui est le fait d'avoir complété le mois de Ramadan et de l'avoir jeûné. Et le takbir, la proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être synchronisée en groupe. Chacun doit le faire tout seul, individuel. Et comme on doit commencer dès le coucher de soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Et on doit, en sortant de la maison, pour aller à la prière du Eid, proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on arrive à là où on va accomplir la prière du Eid. Et dès que l'imam sort et commence dans la prière, s'arrête takbir. Pourquoi Ibn Abi Shayba rapporte qu'Abdullah ibn Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à haute voix le jour du fitr, et quand il part de chez lui jusqu'à là où il va prier, et jusqu'à ce que l'imam sorte et rentre dans la prière. Et il y a plusieurs versions au niveau de la proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celle-ci, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, et on a d'autres. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بإتمام الشر فلنشكر الله تعالى بالعمل بالسنة في العيد. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous comble d'être vivants durant et de compléter le mois de Ramadan en vie. Nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en application la sunna concernant l'Eid. فمن السنن يوم العيد قبل الصلاة وكانت سنة سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ويحرص المسلم على خروج نسائه وأولاده إلى المصلى لحديث أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج العواتق والحيض للعيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى متفق عليه. Et parmi les sunan à accomplir le jour du Eid, celles qu'accomplissaient nos plus prédisseurs, رضي الله عنهم, et à leur tête les nobles compagnons, رضي الله عليهم, comme Abdullah ibn Omar et d'autres, c'est le fait de faire un lavage rituel, le grand lavage, al-ghusl, et avant de partir vers le Musalla, on va prier ou vers la mosquée. Et nous devons tenir à sortir avec nous et amener avec nous nos femmes, nos enfants vers là, on va accomplir la prière. Pourquoi? Pour le hadith d'Umm Atiyya radiyallahu anha wa ardaha, hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, où il dit, il nous a été ordonné. Qui a donné l'ordre? Le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a été ordonné de sortir les jeunes filles vierges, les femmes libres, les femmes qui ont leur menstrue, pour aller assister à l'événement du Eid, pour assister au bien et au dua des musulmans. Et les femmes qui ont leur menstrue se mettent à l'écart, derrière les femmes. Ils assistent au bien, ils entendent, ils voient les gens prier, ils assistent au serment, ils entendent le dua qui se fait à la fin du serment. ويستحب كذلك في له أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه البخاري. Et il est préférable aussi pour celui qui va durant la fête de clôture le mois de Ramadan, de rompre, de manger avant de partir à Al-Musalla. Le Bukhari, rahimahullah, rapporte que Anas a dit que le messager d'Allah, avant de sortir pour Salat al-Eid al-Fitr, il mangeait quelques dattes et il les mangeait en chiffre impair. Là. C'est là où il y a le chiffre impair. ومن السنن التجمل للعيدين وأن يذهب إلى الصلاة من طريق ويعود من طريق آخر. Et parmi les sunan à accomplir durant l'Eid, c'est de s'embellir pour l'Eid, de mettre son meilleur vêtement et de se parfumer, etc. Les femmes pour aller à Al-Musalla ne se parfument pas pour sortir de chez elles. Et la personne doit aller à la mosquée ou à Al-Musalla, à la place réservée à la prière du Eid, d'un chemin, par un chemin, et revenir d'un autre chemin. Il doit changer le chemin. Un chemin pour l'aller, un chemin pour le retour. وعلينا أن نودع شهرنا هذا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار وكثرة الدعاء والتكبير لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا ويتقبل منا. Et nous devons, il est de notre devoir de faire les adieux de ce mois avec un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, avec la demande de pardon, avec le fait de faire beaucoup de dua, avec le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, espérant que Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte et accepte nos œuvres. فربنا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc dans le verset, il est dit pour que vous complétiez le nombre et pour que vous proclamiez la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il vous a guidé et pour que vous soyez ainsi reconnaissant. فالمسلمون يخرجون إلى المصلى أرض خلاء يكبرون وصح صيغ التكبير التي وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ها وجاء كذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صحت هاتان الصيغتان عن الصحابة رضي الله عنهم. Et donc les musulmans doivent sortir. La base, la sunna, c'est de sortir vers un terrain vague qu'on appelle le Musalla. Dans les pays de l'islam, à l'extérieur de chaque ville, tu as un grand terrain vague qui s'appelle le Musalla, où ils accomplissent la prière, en plein air, où les gens de toute la ville se retrouvent. Maintenant, les villes sont devenues tellement énormes qu'il y a plusieurs Musalla dans les villes. Hein? Et pour faciliter les gens, les villes sont devenues immenses. Hein? Qu'il y a eu l'obligation de créer plusieurs musallas à l'extérieur. Ça, c'est la sunna. Et ça, on le voit encore dans les pays de l'islam, où les gens, tu le vois le matin après salat au fajr, se dirigent vers le musalla en proclamant la grandeur de Allah Azza wa Jalla. Et ceci est une sunna qui est oubliée ici. Le fumeur du clope, il tire sur sa clope en plein public. Il se cache pas. Et celui qui proclame la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala a honte. Il n'a pas l'audace. Où est-ce qu'on va? Tu proclames la grandeur d'Allah. C'est pas toi qui dois se cacher. C'est celui qui a sa bibine dans la main. Et son joint de la main qui doit se cacher. Et non pas toi. Tu vois combien est néfaste le fait de vivre dans un pays qui n'est pas un pays de l'islam. Tu vois combien, tu passes à côté de combien d'emblèmes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et les expressions pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala chez les nobles compagnons sont nombreuses. Parmi celles que j'ai citées ici. فَيُصَلِّ الْمُسْلِمُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ يكبر في الأولى منهما سبعا وفي الثانية خمسا دون تكبيرة الانتقال يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب الإمام خطبة واحدة على الراجح من قولي أهل العلم ينصرف بعدها الناس ومن السنة كما مر أن يعودوا من طريق آخر غير الذي أتوا منه. إيه Les musulmans, qu'une fois arrivés sur le Moussallah, ou l'endroit où ils vont accomplir leur prière du Eid, doivent prier derrière l'imam d'Orkat. Le premier Orkat, il commence par 7 Allahu Akbar. Et après, il y a la lecture, la prosternation, se relève. Et la deuxième Orkat, il y a 5 Tkbirat, sont celles de laquelle il va se déplacer du sujoud vers la station debout. Et après, ils doivent écouter la khutba. Une sunna, ça fait partie de la sunna d'écouter la khutba. Et le khatib doit faire une khutba. Et la khutba n'est pas similaire dans la parole prépondérante chez les gens de science. Il n'est pas similaire à celle de l'Aïd. Il se fait d'un seul trait du début jusqu'à la fin. Hein? Ça, c'est la parole prépondérante chez les hommes de science. Il y a certains hommes de science qui voient qu'il peut la faire comme celle de l'Aïd. هل يصلى قبل صلاة العيد أو بعدها؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. Est-ce que maintenant on va prier des surrogatoires avant Salat al-Eid? Selon Abdullah ibn Abbas, c'est ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou Tirmidhi, il Nasa'i, Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a prié la prière de la clôture du mois de Ramadan, de la rupture du jeûne, Yawm al-Fitr, d'Orkaat. Il n'a pas prié avant ni après. Il n'a pas prié avant ni après. Pas de surrogatoire avant et après. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها. Et ابن القيم dans زاد المعاد dit le prophète عليه الصلاة والسلام ni le prophète صلى الله عليه وسلم ni ses nobles compagnons priaient des surrogatoires quand ils arrivent au terrain où va s'accomplir la prière du Eid. Ni avant la prière du Eid, ni après. وقال الحافظ ابن حجر والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. ذكره صاحب شرح السنة البغوي رحمه الله. ذكره صاحب الفتح الحافظ ابن حجر. Et Hafiz ibn Hajar, dans l'interprétation qu'il a fait de Sahih al-Bukhari, il a dit, il n'a pas été confirmé pour Salat al-Eid un surrogatoire avant ou un surrogatoire après. Contrairement à ceux qui la comparent à Salat al-Jumu'ah. Wa hukmu Salat al-Eid al-Wujub. Qala Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, في المجموع ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد رحمة الله عليهم وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. Cheikh l'Islam, ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, c'est pour ça que nous mettons en avant l'obligation de la prière de l'Eid. Et que c'est le point prépondérant à ce niveau-là. Et qu'il est obligatoire pour tout individu. Comme c'est la parole d'Abu Hanifa et d'autres. Et c'est l'une des paroles de Shafi'i. Et c'est l'une des paroles aussi parmi les deux paroles de l'imam Ahmed. Et quant à celui qui dit que la prière du Eid n'est pas obligatoire, dit Cheikh l'Islam, c'est très loin. C'est-à-dire c'est loin que ça soit vrai, prépondérant. Car la prière du Eid est un des plus grands emblèmes de l'Islam. Et les gens se réunissent encore plus pour la prière du Eid que le Jumu'a. Et il a été légiféré le fait de proclamer la grandeur d'Allah. Et celui qui dit que c'est une obligation collective, c'est-à-dire si c'est quelqu'un l'accomplisse, les autres ne sont pas dans le péché, il a dit, Hada, c'est un poids qui n'est pas maîtrisable. Ça veut dire que ça n'a pas lieu à être. قال العلامة الشوكاني في السيد الجرار اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيل وأمر الحيل أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. ها إيه الشوكاني رحمه الله دون سيد الجرار. Il a dit, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé la prière de l'Eidain. Il n'a pas délaissé une fête parmi les fêtes qu'il a vécues alayhi salatu wassalam. Et il a ordonné aux gens de sortir vers le musalla, vers l'air où ils vont la prier. Et il a ordonné aux femmes de sortir, aux jeunes filles pubères, ainsi qu'aux femmes qui ont leurs menstrues. Et il a ordonné aux femmes qui ont leur menstrué de rester en arrière des gens, des femmes, pour qu'ils attestent bien et à la da'wa des musulmans. Et il a ordonné à celle qui n'a pas de jilbab d'emprunter un jilbab à sa sœur. et il a ordonné à celle qui en a plus de jilbab de l'emprunter à l'autre pour qu'il puisse aller à Salat al-Eid. ويقول الألباني رحمه الله في تمام المنة بعد إيرادي حديث معطية فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها. الإمام الألباني رحمه الله عليه دون تمام المنة لكريتيك إلى فيسير فقه السنة. Après avoir cité le hadith d'Umm Atiyya que nous avons vu tout à l'heure, il a dit, le sujet qui est cité, cet ordre qui est cité dans le hadith, prouve l'obligation de Salat al-Eid. Et prouve l'obligation de sortir, hein, vers l'accomplissement de Salat al-Eid, vers le terrain vague. Il dit, si maintenant, il est prouvé, il a été obligatoire de sortir pour Salat, donc la Salat, est en priorité obligatoire. Hein? Puisque sortir, l'accomplir est une obligation, le moyen pour l'accomplir est obligatoire, et celle qui doit être accomplie n'est pas obligatoire. Abedel. Hein? Il dit, c'est encore en priorité, la prière est obligatoire. Et il a dit, la parole vraie et prépondérante ici, c'est que la prière de l'Eid est obligatoire et ne fait pas partie du surrogatoire. Ouais. كذلك من الأمور المهمة في صلاة العيد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما يخص من فاتت صلاة العيد جماعة قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا على الترجمة في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار ثانيا وكونها تقضى ركعتين وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين وقال العلامة إذنك En ce qui concerne celui qui rate la prière du Eid, pour une raison ou pour une autre, l'imam Bukhari a un titre dans son authentique du chapitre « Celui qui rate Salat al-Eid, il l'a pris d'Orkat. Il la rattrape d'Orkat. » Al-Hafidh ibn Hajar, dans l'interprétation qu'il a fait de Sahih al-Bukhari, a dit « Dans ce titre, il y a deux jugements. Le premier, il est légiféré de rattraper Salat al-Eid quand on la rate avec le groupe, que ce soit par choix de la personne, ou ce soit parce qu'il était contraint, ou là une obligation, ou là il y a eu un empêchement. Deuxième point, deuxième jugement, c'est que il se rattrape d'orkat. Ata a dit, comme le rapporte le Bukhari, quand la personne rate Salat al-Eid, il prie d'orkat. وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وكل من صلى لنفسه العيدين من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وخمسا في الآخرة قبل القراءة والمتأخر عن صلاة العيد يصلي ما فاته على صفته كسائر الصلوات. Donc l'imam Malik dans le Muwatta رحمه الله il dit tout un chacun qui prie l'Eid tout seul pour lui-même que ce soit un homme ou une femme je vois qu'il doit faire sept kbirat pour la première rak'at avant la lecture et cinq kbirat dans la deuxième rak'at avant la lecture. Et celui qui est venu en retard à la prière d'Yal Eid, donc il prie ce qu'il a pu prier avec l'imam et il rattrape le reste comme il est stipulé dans la sunna de la prière. C'est-à-dire si il se lève pour faire ramener la deuxième rak'at, ben il doit faire cinq takbirat avant avant la lecture. Ça, ce sont les paroles de Imam Malik rahimahullah. Et le takbir, les glorifications. Le takbir sunna. La tabtulu salatu bi tarki amdan ou sahwan bila khilaf. Comme a dit le sahib le Mughni ibn Qudama. وتاركه لا شك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et la, le takbir dans la prière, les 7 et les 5, c'est une sunna. Si on le délaisse volontairement ou par oubli, bah la prière n'est pas annulée. Il n'y a aucune divergence sur ce point, comme il est rapporté par Ibn Qudama dans le Mughni. Mais le, celui qui le délaisse, il a été, il n'y a aucun doute qu'il a été en divergence avec la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et Salat l'Aïd n'a pas d'adhan ni d'iqama. Hein? Ici, le Rasoul Adhan et l'Iqama se fait pour toutes les prières, mais ici, la Sunna veut qu'on délaisse l'Adhan et l'Iqama pour la prière d'Yel l'Aïd, parce que le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam les a délaissés. Et donc, il est de notre devoir d'être dans le suivi du messager alayhi salam. Et de ne rien rajouter à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est dit dans le verset, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et donc le verset est très clair. Il nous dit, hein, dans la traduction approximative du sens du verset, aujourd'hui je vous ai comblé de mon bienfait, je vous ai parachevé votre religion, et je vous ai comblé de mon bienfait, et je vous agrée l'islam comme religion. كما يستحب لمن صام رمضان أن يصوم ستا من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر ولا يشترط فيها أن تكون متتابعة et comme il est aussi fait partie de la sunna celui qui gèle le mois de Ramadan qu'il le suive de 6 jours du Shawwal. Ramadan c'est comme tous les autres piliers de l'islam, il a une sunna surrogatoire, il y a du jeûne surrogatoire avant, durant le mois de Sha'ban. Il a une sunna, il a un surrogatoire après le mois de Sha'ban, qui sont les 6 jours de Shawwal. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, celui qui jeûne le mois de Ramadan, qu'il le suive de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute la vie. 30 jours, multiplié par 10, dans les récompenses, ça fait 300 jours. Et 60 jours, et 6 jours, multiplié par 10, ça fait 60. Donc c'est le nombre de l'année. Donc c'est comme il a jeûné, s'il jeûne ça dit, depuis qu'il est pubère, c'est comme il a jeûné toute sa vie. ويقول بعض أهل العلم أن الأولى للمرأة التي عليها أيام من رمضان البداءة بها قبل صيامها ستة من شوال. ولكنها لو بدأت بالست من شوال وأخرت القضاء جاز لأن القضاء موسع فيه إلى شعبان الذي يليه بخلاف شهر شوال فإنه شهر واحد وينقضي والله أعلم. Et il n'est pas, ça fait pas partie des conditions du jeûne du des 6 jours du Shawwal de les jeûner successivement, de prendre du premier jour jusqu'aux 6 jours d'affilée. Non, tu peux les jeûner durant le mois comme tu veux. Un jour là, deux jours ici, etc., comme tu veux. Hein? Et certains nombres de sciences disent qu'il est préférable à la femme qui a eu 6 mois strudents durant ce mois de Ramadan qu'il commence par le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan et après il le suit des 6 jours de Shawwal. Et mais certains nombres de sciences disent que si maintenant il commence à jeûner les 6 jours de Shawwal et il retarde le rattrapage qu'il doit du mois de Ramadan, il n'y a pas de mal parce que le rattrapage, il a un temps qui est vaste, jusqu'au mois de Chaban de l'année d'après. Hein? Et le mois de Shawwal, c'est un seul mois dans l'année. C'est un seul mois dans l'année, et il se termine. وَخِتَامًا وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يُحِبُّونَ هَذَا الشَّهْرِ وَيَعْرِفُونَ فَضْلَهُ وَيَنْتَظِرُونَهُ بِفَارِغِ الصَّبْرِ ويحسون ويشعرون بخصوصيته ومن منا لا يجد في هذا الشهر نشاطا وإقبالا وعونا على الطاعة لا يجده في سائر الشهور. Il y a aucun doute que les musulmans aiment ce noble mois. Ils connaissent les mérites de ce noble mois. Ils l'attendent avec patience. Ils sentent les particularités, ils reconnaissent, ils sentent les particularités, les spécificités de ce mois. Qui parmi nous ne trouve pas en lui le goût de l'adoration? Un goût qu'il ne trouve pas en dehors du mois de Ramadan. Qui parmi nous ne trouve pas cette vivacité durant ce mois à accomplir les œuvres? Hein? Qu'il ne trouve pas en dehors du mois de Ramadan, parce qu'il a sa particularité. كل مسلم يشعر بأنه يجد عونا على الطاعة في هذا الشهر. وكل مسلم يشعر بحلاوات الطاعة في هذا الشهر. فشهر رمضان أفضل شهور السنة. Tous musulmans sont, qu'il est aidé dans l'obéissance durant ce mois de Ramadan. Et il goûte au goût exquis de l'adoration qu'il ne goûte pas en dehors du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le plus noble des mois de l'année. لكن مع الأسف الشديد من الناس من يعبد الله في رمضان فإذا انقضى رمضان عاد إلى ما كان عليه ترك الطاعة ترك تلاوة القرآن ترك الصلاة وإذا به كأنه لا يعرف باب المساجد ولا يعرف القرآن ولا يعرف الصلاة إلا في شهر رمضان. Mais malheureusement, il y a certains musulmans que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qui ne connaissent, qui n'adorent pas Allah, qui n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que durant le mois de Ramadan. Quand se termine le mois de Ramadan, il plie le qamis, il plie le tapis de prière, il plie son Coran, khlas, il les met dans le placard, il leur dit salam alaykoum à l'année prochaine. Et revient à sa vie d'avant. Il délaisse l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, la prière, et comme s'il ne connaissait plus les portes du mosquée et le chemin du mosquée. فَهَاُولَاءِ وَأَمْتَالُهُمْ يَقُولُ لَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَةِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة ذكر الناس بهذا الكلام يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Et ces gens-là, certains hommes de science, leur adressent la parole du véridique Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه وارضاه, qui au moment où le prophète عليه الصلاة والسلام est mort a dit dans sa khutbah aux gens, aux gens, celui qui adore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, Allah est l'éternel vivant. وَعَلَى مِنْ وَالِهَا نَسَجَى بَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَمَضَان لِرَمَضَان فَإِنَّ رَمَضَان شَهْرٌ مَخْلُوقٌ يَنْقَضِي وَيَذْهَبْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ رَمَضَان فَإِنَّ رَبَّ رَمَضَان هُوَ رَبُّ شَوَّال وَرَبُّ ذُو الْقِعْدَةِ ورب ذو الحجة ورب المحرم ورب الشهور كلها فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وهو الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, et comme cette parole de Abu Bakr Siddiq, certains hommes de science, l'ont pris comme exemple, ils ont dit, celui qui adore Ramadan pour Ramadan, Ramadan est un mois créé par Allah Azza wa Jal. Et c'est un mois qui a un début, qui a une fin. Et celui qui adore le souverain de Ramadan, ah, le souverain de Ramadan, c'est le souverain du Shawwal, et du mois de Dhul-Qa'da, et du mois de Dhul-Hijjah, et d'Al-Muharram, et de tous les mois de l'année. Hein? Il possède tout, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a descendu le Coran comme guidé, comme éclaircissement pour les gens. Et comme discernement. فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَمَضَانَ فرمضان يأتي وينقضي وهو مخلوق كسائر المخلوقات لا دوام له ولا بقاء له. Celui qui a adoré Ramadan, Ramadan est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un début, qui a une fin. Il n'est pas éternel. واما من كان يعبد رب رمضان فإن الله حي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم هو العزيز الحكيم هو الغفور الرحيم هو العزيز ذو الرحمة وهو الذي وصف نفسه أنه ذو انتقام سبحانه وتعالى وأن عذابه عذاب أليم. Et celui donc qui adore Ramadan, Ramadan commence et se termine, et il n'est pas éternel. Mais celui qui adore Allah سبحانه وتعالى, le souverain de Ramadan, Allah, il est l'éternel vivant qui ne meurt pas et qui ne dort pas. Subhanahu wa ta'ala. Il est le puissant et celui qui fait les choses à la perfection. Il est le grand pardonneur et le grand miséricordieux et le grand clément, subhanahu wa ta'ala. Il est le fort qui a toute la miséricorde. Et c'est lui qui s'est décrit ainsi qu'il a que sa vengeance est douloureuse. Et que son châtiment est douloureux aussi, subhanahu wa ta'ala. فيجب على كل واحد منا ان يعرف ربه كما يليق بجلاله وان يتعلق ربه يتعلق قلبه بربه لا بالمخلوقات. Et il est du devoir de tout un chacun parmi nous de connaître son souverain comme il sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, et comme il sied à sa grandeur, et que son cœur doit être attaché Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des créatures, et que son cœur ne doit pas être attaché aux créatures, subhanahu wa ta'ala, il doit être attaché à son créateur, subhanahu wa ta'ala. وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ رَمَضَانَ مَا فَضَّلْنَاهُ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ كَرَّمَ رَمَضَانَ مَا كَرَّمْنَاهُ فَمَا عَرَفْنَا رَمَضَانَ وَأَفْضَلِيَّةَ رَمَضَانَ إِلَّا مِنْ رَبِّ رَمَضَانَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَرَفْنَا مَكَانَةَ رَمَضَانَ وعلو رمضان إلا من كلام رب العزة سبحانه وتعالى فهو القائل وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Et donc, si Allah سبحانه وتعالى n'avait pas donné ses mérites au mois de Ramadan, nous n'aurions pas reconnu les mérites au mois de Ramadan. Mais c'est Allah سبحانه وتعالى qui lui a donné. Et c'est Allah سبحانه وتعالى qui nous a fait connaître la noblesse et les mérites de ce mois de Ramadan. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait connaître la place, la grande place de ce noble mois de Ramadan. La noble place et les honneurs de ce mois, on la connaît par quoi? Par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le plus véridique. La plus véridique des paroles étant celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. فالله سبحانه وتعالى غني عن جوعنا وغني عن عطشنا وعن قيامنا وعن سهرنا وتعبنا وإنما نحن المحتاجين إليه سبحانه وتعالى ونحن المحتاجين إلى فضله ورحمته ورضوانه. الله سبحانه وتعالى n'a rien à faire de notre soif ni de notre faim ni de nos prières nocturnes ni de nos veillées ni de notre fatigue, c'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui avons besoin d'accomplir les adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il nous agrée. فَاللَّهُ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ غَنِيٌ عَنِ السَّمَاوَاتِ وَعَنِ الْأَرْضِ غَنِيٌ عَنِ الْعَرْشِ وَعَنْ حَمَلَتِهِ والله جل في علاه لا يريد بنا عسرا إنما يريد بنا اليسر. الله سبحانه وتعالى n'a besoin ni des cieux ni de la terre ni du trône ni de ceux qui portent le trône. Allah عز وجل, et en plus d'Allah, Allah سبحانه وتعالى n'a besoin de personne, et Allah veut pour nous la facilité et non la difficulté. فما فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام ليكون عنة ومشقة لنا. وربنا عز وجل لم يجعل العبادة قاصرة على الجوع والعطش. ها؟ بل هناك من لا يعرف الصيام إلا جوعا وعطشا. وربنا سبحانه وتعالى غني عن جوع وعطش الإنسان. بل يريد الله أن يكون الإنسان من المتقين. فالصيام إنما شرع من أجل التقوى, كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, il nous a pas été fait obligatoire pour nous rendre la vie difficile ou insupportable. أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que l'adoration soit limitée à l'abstinence de la boisson et de la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui nous connaissent du jeûne du mois de Ramadan, ils ne connaissent que la faim et la soif. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin ni de notre soif, ni de notre faim. Allah veut pour nous, avec le jeûne, qu'on atteint le degré de ceux qui préservent les droits d'Allah, Azza wa Jalla Muttaqin. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des œuvres que de ceux qui préservent ses droits, que de les muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Hein? Le jeûne a été légiféré pour acquérir taqwa, pour atteindre le degré de taqwa et de muttaqin, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: ô vous qui avez cru, il vous a été fait obligatoire le jeûne comme il a été fait à ceux qui vous ont précédé. Ainsi vous allez atteindre taqwa. Fasallah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, an yurzuqna wa iyyakum al-fiqh fi ad-din. Salu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum min 'utaqa'i fi hadha ash-shahr al-mubarak. Salu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum as-siyam wal-qiyam. ونسألوه سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا. سألوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين, وأن يعافي مبتلى المسلمين, وأن يغفر لأموات المسلمين. ونسألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى, وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم, جزاكم الله خيرا.